Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Guillaume Wagner. Allô? Allô Guillaume, comment tu vas? Ça va très très bien, relax, il se passe pas grand chose, mais c'est bon, mon mode de vie sédentaire est pas trop bousculé, c'est correct. En ce moment, c'est sûr que les gens qui étaient très casaniers, comme on dit, ont aucun problème à vivre cette pandémie parce que quelque part ça change pas grand chose à leur vie, quoi. Ouais, non, c'est ça. Moi, c'est comme si je m'étais préparé pendant des années pour cette pandémie-là. Donc, finalement, je recueille le fruit de des années d'entraînement à maîtriser Netflix, Prime, Amazon Prime et tout ça. D'ailleurs, je crois que tu as gagné la télécommande d'or au concours des meilleurs Netflix de l'année dernière. Hein. Je crois que... Non, télécommande d'argent, excuse-moi. Tu étais arrivé deuxième. Tu étais arrivé deuxième au concours des meilleurs binge-watchers. C'était avec quelle série déjà? Moi, j'ai tout terminé. Tout. Tu es le premier être humain au monde à avoir fini Netflix. Ouais, mais en même temps, c'est toujours à recommencer, toujours des nouveautés à chaque semaine. Donc, c'est un projet à long terme, mais je vais y arriver. Et peut-être que le temps que le podcast sorte, peut-être que tu auras cette fois-ci la télécommande d'or, parce que vraiment, c'est pas passé loin l'année dernière. Yeah, c'est mon but, hein. Ben oui. Je focus, puis je suis quelqu'un de déterminé, je vais y arriver. Mais c'est exactement ce qu'il faut. Et à part Netflix, je pense que tu es déterminé aussi dans l'humour, mais ça ne t'a pas empêché de vivre des anecdotes et des galères d'humoriste, hein, voilà. Et justement, j'ai le plaisir de te recevoir dans ce podcast. Je te remercie d'ailleurs d'avoir accepté l'invitation. Et on est impatients d'écouter ta ou tes anecdotes de scène. Ben, ça fait plaisir. Écoute, mais tout d'abord, c'est quand même... une bonne introduction à ce qu'on vient de dire, parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti, assez timide dans la vie. Fait que moi, ça me fait violence quand même, faire des spectacles. À travers les années, je le maîtrise, je le maîtrise mieux, puis je maîtrise mon trac et tout ça. Donc maintenant, ça fait quand même plus de 15 ans que je fais ça. Donc, c'est moins douloureux que ça l'était, mais toute expérience qui sort de l'ordinaire, qui est hors norme pour moi, ça peut être très, très difficile. J'ai vécu plusieurs situations qui m'ont mis... Mais en même temps, c'est ça m'a beaucoup fait évoluer en tant qu'être humain. Pour moi, il y a une dimension humaine aussi au métier d'humoriste là, qui c'est très personnel. Mais oui, j'ai vécu des spectacles épouvantables. J'en avais deux pour toi. Oui. En fait, j'en ai choisi deux parce qu'il y en a un que c'est très court à raconter, donc ça ne pouvait pas faire une anecdote au complet. Mais je vais te le raconter rapidement. J'ai fait un spectacle à un moment donné pour une foire agricole. Vous avez ça, j'imagine, vous aussi, des foires agricoles? Oui, bien sûr. Donc, c'est ça, j'arrive là. Et c'est une foire agricole, il y a les tracteurs, il y a des animaux et tout ça, mais là, en me promenant, je suis comme, mais c'est où le spectacle? Où est-ce que ça se passe? Je comprends pas, il n'y a pas d'installation, il n'y a absolument aucune installation. Ils n'avaient pas mis un podium entre deux vaches ou... Ben c'est ça, on va y arriver. Mais ça, c'est le genre de spectacle, c'est mal organisé. T'arrives là, tu ne sais même pas c'est qui est responsable. Tu commences à demander à des étrangers, comme, y a-t-il quelqu'un qui est en charge ici? Y a-t-il quelqu'un qui peut me diriger vers quelqu'un, s'il vous plaît? Puis là, je finis par trouver un responsable qui nous amène, on est plusieurs humoristes, puis qui nous fait faire le tour des installations, comme si ça nous intéressait, là, le tour de la foire agricole. C'est comme, je veux juste faire mon spectacle. T'es pas reparti avec un animal? Non, j'avoue qu'il aurait pu nous payer en animaux. C'était le genre de vibe, je te dirais. Donc, c'est ça. Là, il nous amène dans une espèce de... Ben, un enclos, là. Je pense que je peux dire que c'est un enclos, mais c'était comme... Les barrières étaient comme bien faites quand même. C'était comme des espèces de barrières bétonnées. Partout, il y avait du brin de scie, du foin partout à terre. Puis il y a des vaches, il y a des animaux. Là. Okay? Puis là, je dis, OK, pourquoi vous nous amenez ici? Je dis, ah, ça va être ici le spectacle. Je dis, oui, mais non, je comprends pas comment que ça peut être possible. Et là, il dit, non, mais inquiétez-vous pas, là, on va sortir les animaux, on va ramasser les excréments, puis après ça, on va mettre les chaises. Puis le spectacle, ça va se passer dans le coin ici. Puis je suis comme, mais tu me niaises, ça se peut pas. Et effectivement, moi, je suis resté là. Tu sais, j'ai pas été dans la loge, je voulais voir ça. Et effectivement, les employés ont comme sorti les vaches, ont ramassé du caca pendant au moins 15 minutes. Là, tu sais. Ça sent fort. Et là, ils ont installé les chaises, puis ils ont monté une petite scène. Puis c'est ça, j'ai fait le spectacle devant des fermiers. Ça sentait fort. Mais le spectacle s'est bien passé quand même. Ça a bien fini, cette anecdote-là. Les fermiers, j'imagine que c'est pas du tout ton public cible. C'est pas mon public, mais je suis quelqu'un qui s'adapte quand même. Là. Tu sais, je comprends rapidement la situation, puis je m'adapte à ce que je vois. Là, parce que pour vrai, ce genre de spectacle-là, c'est plus des spectacles, c'est de la survie. Là. On s'entend. Quand t'es là, t'es pas en mode « Ah, ma carrière est merveilleuse, je m'en vais au top. » T'es en train d'essayer de survivre la journée. Là. C'est ça, c'est ça. Fait que je me mets dans ce mode-là, puis je passe au travers. Puis, mais non, j'avais été chanceux un peu aussi, parce que je me rappelle, il y avait d'autres humoristes sur le spectacle. Il y en a que ça avait vraiment pas bien été, mais moi, je sais pas pourquoi, ça avait bien été. Donc, le spectacle, c'était correct. Des fois, c'est ça, notre métier aussi, aux gens qui écoutent. Là. C'est pas toujours glorieux. Non, mais c'est vrai que là, tu as joué... Tu peux te dire que tu as tout fait dans ta vie, tu vois, mais si tu n'as pas joué sur une scène entourée de fumier, c'est que vraiment, tu n'as pas tout fait. Tu vois, il te manque quelque chose. toi, tu as coché cette case, tu vois ce que je veux dire? Quelque part, on peut dire que Guillaume Wagner a vraiment tout donné, tu vois, et il a été jusqu'au bout de là où on peut aller en tant qu'humoriste. Parce que vraiment, j'imaginais pas du tout ça, quoi. Ben, c'est drôle parce qu'en même temps, tu dis ça, puis moi, c'est un métier que je me dis, ah bon, j'ai fait le tour, là, j'ai tout vu, il n'y a plus rien qui peut me surprendre, tu sais, j'ai fait le tour des conditions horribles. Et là, tu sais, la pandémie, on en parlait un petit peu avant le podcast, mais la pandémie, en ce moment, ça a donné lieu à plein de conditions qu'on n'aurait pas fait normalement. Il y a des spectacles, je veux dire, jouer devant un ordinateur, jouer devant aucune personne. Donc, c'est filmé. Moi, j'ai fait ça aussi. Tu sais, c'est vraiment des conditions qui sont épouvantables pour un humoriste, mais que c'est la nouvelle réalité. Fait qu'il faut s'adapter, il faut s'ajuster. C'est notre travail aussi, tu sais. Mais c'est vrai, ouais, on est obligé de s'adapter avec ce qui arrive parce que c'est quelque chose de jamais vu, tu vois. On n'a jamais connu une pandémie comme ça et des fermetures de salles aussi longues, surtout parce que quand c'est à la limite pour 15 jours ou un truc comme ça, ça peut aller. Mais quand c'est pour plusieurs mois, comme c'est le cas en ce moment, c'est vraiment très compliqué. Donc on est obligé de se réinventer, de se diversifier, de s'adapter. Et il y en a qui le réussissent avec brio, tu vois. Ils gèrent bien. Et puis, il y a des gens qui le font avec un peu plus de mal. Il y a même des humoristes qui malheureusement abandonnent l'idée de reprendre la scène même quand tout sera fini. Ça a découragé certaines personnes, ça a décuplé les forces d'autres personnes. C'est malheureusement une période dans laquelle rien n'est certain et on est obligé d'accepter des choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal. Tout à l'heure, on parlait du plein air. Je peux parler des spectacles pendant les repas. Normalement, il ne faut surtout pas jouer quand les gens mangent. Mais là, en l'occurrence, je serais capable de jouer devant des gens qui mangent et je serais même capable de cuisiner pour eux, tu sais. Ouais, c'est ça, on est tous en mode survie en ce moment. Je parlais que des fois, notre métier, c'est juste survivre. Ben là, on est là-dedans à temps plein. Là. C'est pas juste le temps d'un spectacle, c'est le temps d'une période complète qui s'allonge à chaque jour. Donc ouais, fait que c'est ça, je raconte mes anecdotes du passé, puis je suis quasiment nostalgique. Ah, c'était bien finalement jouer ça sentait le fumier. Bien y penser. Est-ce que tu serais chaud pour organiser une petite foire agricole devant chez toi? Non, ça va être correct quand même. Là. Tu sais, j'en vois pas. Non, parce que vraiment, n'hésite pas, hein, sois pas timide. Hein. On peut peut-être retrouver les mêmes vaches. Hein. Ça, c'est possible. Ça fait longtemps quand même, je dirais. Il doit y en avoir une couple là-dedans qui ont fini en steak. Mais ouais, on fait ça dans toutes sortes de conditions. Hein. Ça fait partie du métier. Puis c'est bon ton introduction quand tu dis que, je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. Moi, c'est comme ça que j'ai appris mon métier en vivant toutes les conditions les plus difficiles. Puis après ça, en comparatif, quand tu vis des spectacles où tu as toutes les bonnes conditions, ben t'es prêt, tu sais, t'as faim, t'es à l'aise, t'es content d'avoir des bonnes conditions. Ouais, non, mais je te remercie dans l'introduction. Donc, quand je dis c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste, c'est clairement parce que je me rends compte que quand tu commences dans l'humour, vraiment, je veux dire, tu vas plus galérer qu'autre chose au départ. Et après, l'avantage, c'est que plus tu avances dans ta carrière d'humoriste, moins tu as de galères. Tu vois, enfin, tu en auras toujours, mais le ratio bonne scène, mauvaise scène, sera beaucoup moins fort au bout d'un certain temps, tu vois. C'est beaucoup plus facile de passer des bonnes scènes quand vraiment tu as de l'expérience, tout ça, tu sais comment t'en sortir, tu as un sens de l'improvisation qui s'est aiguisé au cours des années d'expérience, tu vois. C'est beaucoup plus facile que quand tu démarres, tu as trois scènes derrière toi et il se passe quelque chose que tu n'avais pas prévu, tu vois. L'anecdote de la foire agricole que tu me racontes, si tu avais fait ça en tant que deuxième scène ou troisième scène, ça aurait pas du tout été le même vécu. Absolument, absolument. Je sais pas ce que j'aurais fait. Ouais, ça prend de l'expérience pour affronter ce genre de scène-là. Puis c'est ça, tu peux pas l'acheter, cette expérience-là. Faut que tu la vives. Ouais. Faut que tu te plantes, faut que tu t'échoues, puis tu te relèves, puis t'essaies la prochaine fois de mieux faire les choses. Là. Mais c'est ça, comme tu dis, tu apprends à improviser, tu apprends à t'adapter, t'apprends aussi à bouger sur scène d'une certaine manière parce que tu n'es pas toujours dans des conditions parfaites où que tu peux vraiment faire tes gags comme tu les fais normalement. Faut toujours mm-hmm. que tu t'ajustes un métier qui est organique, que tu parles à des gens qui sont devant toi. Il faut jamais que tu l'oublies. Puis il y a des conditions, il y a des spectacles qui te font vraiment pas oublier que tu t'adresses à des gens parce qu'ils sont là. C'est pas facile, c'est pas évident. Puis tu ne peux pas les extraire de ça. Ça fait partie du métier. Ben c'est un deal, c'est une conversation, un partage entre les spectateurs et l'artiste sur scène. Voilà, c'est compliqué de se dire que on va faire toujours les spectacles de la même façon et tout, alors que les gens devant nous ne sont pas toujours les mêmes. C'est pas toujours les mêmes conditions, ce sera pas toujours les mêmes réactions. Donc il faut s'adapter et servir aux spectateurs un petit peu ce qui leur plaît au final. Et c'est une relation. Alors quand t'as 10 minutes à faire, c'est compliqué, mais quand t'as 1 heure ou 1h20 de spectacle, là c'est plus facile que les gens s'adaptent à toi, tu vois, qu'on s'apprivoise en fait, tu vois, que le public apprivoise l'humoriste et que l'humoriste apprivoise son public. C'est plus facile dans un spectacle complet. Ouais, je pense à ça que ça sert à faire des spectacles épouvantables, c'est que tu vas vivre des grandes adaptations. Il va falloir que tu t'adaptes vraiment beaucoup. Puis après ça va être plus facile dans des spectacles avec des bonnes conditions de faire des petites adaptations avec tes blagues, avec les réactions du public qui est de bonne foi puis qui est de ton côté. T'sais. Fait que oui, c'est vraiment essentiel. Moi, je vois dans au Québec, il y a des nouvelles générations d'humoristes qui naissent beaucoup sur Internet puis sont pas nécessairement dans le contact direct avec les gens. Bon, oui, ils peuvent avoir des commentaires désobligeants et tout ça, mais c'est pas la même chose que aller affronter des gens là, qui te mettent dans des conditions difficile, c'est là que tu apprends le plus. Parce que si tu es juste dans ta petite bulle de verre de ton côté, c'est plus difficile d'évoluer, je pense. Non, mais c'est vrai, le fait d'être humoriste sur Internet, c'est une chose et c'est tout à fait louable, il n'y a pas de problème. Mais le vrai contact, le vrai spectacle vivant où tu as le retour direct du public et surtout ce que tu leur livres, c'est une performance brute. Tu ne peux pas leur livrer un sketch monté, tu vois. Il n'y a pas de montage, tu n'auras pas Adobe Premiere pour sauver une blague, couper un morceau en trop ou quoi. Là, c'est du live, c'est vraiment du live, une performance que tu leur livres telle qu'elle et les gens te livrent leur réaction aussi telle qu'elle. Parce que des fois... c'est deux métiers pratiquement différents, le rendu là. Non, bien sûr, l'intention est la même, divertir les gens et les faire rire, mais le déroulé n'est pas du tout le même, la technique n'est pas la même, l'expérience n'est pas la même, mais je pense qu'un bon youtubeur, comme on dit ici, un bon youtubeur peut être un bon humoriste en s'adaptant, en bouffant de la scène, mais et dans l'autre sens, un bon humoriste peut être un très bon youtubeur aussi en apprenant les bonnes techniques, tout ça. C'est-à-dire que ce sont deux métiers différents, mais qui peuvent être tout à fait complémentaires, bien sûr. Oui, ça prend, c'est ça. Pour être capable de faire les deux, honnêtement, ça prend beaucoup de talent. Moi, j'ai un talent sur la scène. Niveau YouTuber, je laisse ça à d'autres personnes qui sont, je trouve, meilleures que moi. Mais ouais, l'un n'empêche pas l'autre, mais c'est ça. C'est quand même deux affaires différentes, puis c'est important de le mentionner. Tu veux-tu que je te raconte ma deuxième anecdote, qui est ma pire? Là, ça, c'est vraiment ma pire. C'est quand même assez particulier. Ouais, au ton que tu as utilisé, en fait, je sentais que c'était beaucoup plus croustillant. Ben, c'est quoi? C'est plus croustillant. Je te dirais, c'est peut-être moins drôle que la foire agricole. Ça, c'est juste comique, là, parce qu'en plus, ça finit bien. Mais je pense que c'est un spectacle qui coche toutes les cases de ce qu'il ne faut pas faire dans un spectacle. D'accord, oui. Ben, tout d'abord, c'est un spectacle corporatif. Ça, j'imagine que vous avez ça, vous aussi, des spectacles corporatifs. Vous savez, c'est quoi? Oui, en fait, ouais, voilà, on appelle ça des. Ben, c'est les spectacles pour les comités d'entreprise. J'ai eu quelques anecdotes de corpo dans les épisodes précédents. Ouais, donc c'est ça, c'est un corpo. Je suis engagé par une petite compagnie. C'est vraiment pas une grosse compagnie. Je me rappelle pas c'est quoi la compagnie. Ça fait quand même assez longtemps, cette anecdote-là. Mais c'est une petite compagnie de peut-être de 40 employés. De ce que je m'en rappelle, je pense une compagnie d'aluminium. Je sais pas trop quoi, mais c'est pas important dans l'anecdote. Donc j'arrive là et ça se passe dans un hôtel motel. Avez-vous ça des motels, vous autres? C'est américain, ça aussi? Alors, le terme motel va être américain, mais sinon, on a des hôtels, oui, sur le bord. Parce qu'en fait, motel, je crois que c'est motorway hotel, c'est ça? Ouais. C'est genre des hôtels sur le côté des autoroutes, quoi. Exact. Bah, nous, on a ça, on a des hôtels à côté des autoroutes, mais on appelle ça des hôtels, tout simplement. OK, OK. Nous, on classe les hôtels avec mépris. Donc, quand un motel, c'est vraiment un hôtel bas de gamme. Dans les films, c'est souvent le cas. Les motels sont souvent des hôtels miteux, quoi. Ouais, exactement. Donc, c'est ça. Ça se passe là, dans ce genre d'hôtel miteux. Genre de bâtisse aussi que je comprends pas où on va pouvoir faire un spectacle, parce que c'est quand même assez petit. Je me dis, ils ont pas vraiment. C'est sûr qu'ils n'ont pas de salle de conférence. C'est sûr qu'ils ne sont pas équipés pour ça. Mais bon, écoute, ils m'ont engagé. Et là, pour moi, il faut que j'appelle la personne responsable. Je suis avec mon gérant tout ce temps-là. Hein. Il est venu avec moi parce que c'est lui qui a booké ça et il se doute que ça va mal virer. Mais, il était inquiet pour toi? Ouais, il était inquiet. Donc, il faut appeler la personne responsable parce que je suis une surprise. Et ça, c'est une autre grave erreur. Ces compagnies-là. Là, les gens, ils font des idées là, de l'humoriste le plus populaire au Québec. Hey. Ils vont assurément être déçus. Là. C'est jamais une bonne idée d'annoncer sans surprise, mais bon. Moi, je suis engagé, il faut que je respecte ça. Donc, on appelle la fille, elle vient nous chercher à l'extérieur et elle nous fait passer par un chemin secret. D'ailleurs, le chemin secret, c'est toujours par les cuisines. Hein? Je ne sais pas si c'est la même chose pour toi. C'est une espèce de walk of shame dans les cuisines. De c'est comme, ça. Oh, mon Dieu, c'était pas ça que je pensais que c'était ce métier-là. Non, bien sûr. Après, personnellement, étant surpoids, passer par les cuisines ne me dérange pas, je te rassure. Bah, très souvent, les cuisines se transforment en loge au final. Ouais, mais moi j'avais eu la chance cette fois-là. C'était pas la cuisine n'était pas ma loge, au moins. Mais tu passais par la cuisine, puis c'était pas des cuisines propres. Là. Une cuisine de motel, là, écoute, c'est pas fameux. La personne nous amène dans notre loge qui finalement est une chambre d'hôtel. Et elle nous dit de rester là, tu sais, on va venir vous chercher, là, en ce moment, les employés, ils sont en train de manger, quand ça va être terminé, je viendrai chercher quand ça va être ton tour. D'accord. Mais là, moi, en même temps, je suis un peu inquiet, là. Je me dis, c'est où je veux, j'aimerais quand même voir de loin, y a-tu moyen qu'au moins, tu sais, je veux me préparer mentalement. Je veux quand même voir c'est quoi les conditions. Donc, je finis par essayer de me faufiler, puis au loin, je vois un peu comment ça va se dérouler. Il y a comme un DJ, il y a des colonnes de son. Déjà, ça, c'est bien, tu sais, du son, c'est bon. Ouais. Par contre, je ne vois pas de micro. Là, je suis vraiment qu'il y a sans part de micro, mais écoute, ils ont dit qu'il allait avoir un micro. Je vois qu'il n'y a pas de scène. Ça, c'est pas bon. Ça, c'était prévisible, on va dire. C'est prévisible, mais c'est pas bon. C'est sûr. T'es pas content de ça. T'as besoin quand même d'une scène pour avoir un espèce de sentiment d'autorité puis que les gens te respectent un petit peu plus parce que t'es un peu plus haut qu'eux autres, au moins. C'est bête, hein, mais c'est totalement ça. Quand les gens te voient un peu plus haut qu'eux, tu as une certaine assise et une certaine prestance que tu n'as pas quand t'es à leur niveau. C'est bizarre. Ouais. C'est un phénomène métaphysique. Je ne saurais pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Ça commande un respect. Quelqu'un qui est surélevé puis qui tient un micro, là, tu sais. Mais d'ailleurs, la prochaine fois que je me prendrai la tête avec mon épouse, je pense que je monterai sur une chaise, juste pour le style. T'essaieras, je te garantis pas les résultats quand même. Peut-être mal se terminer cette chicane-là, mais c'est toi qui le sais. Et ça, il n'y a pas de scène. Il y a un espèce de grand espace entre le public et l'endroit où je vais jouer ça. Aussi, c'est un problème que souvent dans les spectacles corporatifs, c'est qu'il y a un espace pour la danse. Là, parce qu'après le spectacle, ça danse. Mais c'est pas bon. La distance entre le performeur et le public, si est trop grande, il n'y a pas de proximité. Mais oui, voilà, il faut que ce soit vivant, il faut que tu sois proche d'eux. Moi, ce que je fais dans ces cas-là, quand il y a trop d'espace, s'il n'y a pas de scène, tant qu'à faire, je me rapproche d'eux, en fait. Ouais, Ouais, tu vas comprendre pourquoi je pouvais pas faire ça. Donc... non, mais bref, fait que je vois de loin et mm-hmm. je vois aussi que c'est bruyant. Là. Les gens, ils sont très avancés au niveau de l'alcool. Ça s'entend, ça se sent. Il y a une énergie, là. C'est comme électrique un peu. Là. Tu sais, tu sens que... C'est un, d'ailleurs, c'est un, c'est leur, c'est Noël, c'est dans les, le temps des fêtes, donc c'est leur espèce de fête corporative. Ouais, donc ils se lâchent quoi. Ouais, exactement, exactement. Mm-hmm. Je sais pas ça a été quoi leur année au niveau de leur compagnie, mais on dirait qu'ils ont besoin de relâcher quelque chose. Je le sens. Mais je me dis, bon, écoute, j'ai au moins, regarde, je sais à peu près dans quoi je m'embarque, fait que je vais aller mm-hmm. attendre. Donc, je retourne à la chambre, on finit par venir me chercher, mais tard. Là, il commence à être... Ça, c'est tout. Ça non plus, c'est pas bon. Quand c'est trop tard, à un moment donné, c'est passé une certaine heure, là, ça, c'est plus bon. Les gens, sont plus capables de se concentrer, ils veulent juste faire la fête, ils veulent juste danser. Donc, mais c'est ça, c'est un peu trop tard, mais bon, mm-hmm. J'ai été engagé. J'ai 30 minutes à faire en passant, ce qui n'est pas tant, c'est pas si pire. Ouais. Donc, j'arrive là, mm-hmm. et le micro, finalement, il y en a un, mais le fil du micro s'est branché directement dans la console et je te dirais un mètre de fil maximum. Donc... Je sais pas si tu vois, tu peux te l'imaginer. Ah ben oui, ça limite comme le mouvement. Enchaîné, je suis enchaîné à la console. Là. Tu sais, je peux pas bouger, j'ai pas de marge de manœuvre, je peux pas m'approcher des gens. Ça fait pas naturel parce qu'il faut quasiment que je me penche là, pour parler dans le micro. Jeu. Fait que là, c'est comme, bon, écoute, c'est les conditions que j'ai. Donc, je commence à jouer et là, je réalise uh-huh. assez rapidement que je ne peux pas faire du matériel. Tu sais, je peux pas faire du matériel, des blagues que je fais normalement ouais. parce que les gens embarquent pas là-dedans. Là. Ils sont, Dans les corpos, ils veulent jamais. Ils veulent jamais non. écouter ton matériel. Ils veulent que tu parles d'eux. Exact. Exact. Je compense assez vite. J'en ai fait d'autres. Donc, je me mets à parler d'eux. Je leur pose des questions. Ils sont complètement sous, donc ils trouvent tout drôle, mais ça, mais chaque intervention dégénère, puis c'est de plus en plus difficile à ramener les gens. Il faut que je fasse mon temps. Là. Faut juste que je fasse mm-hmm. le temps. Je me dis, bon, il me reste à peu près 20 minutes, je vais passer au travers. Et là, plus ça va, plus c'est difficile, plus les gens sont sous, plus ils crient ils crient n'importe quoi pendant que j'essaie de faire quoi que ce soit. Et là, ça dérape complètement quand ils se mettent à me lancer de la nourriture. Oh, ils carrément! Ils me lancent des morceaux de pain ou des... Et là, je suis comme, OK, ça, c'est inacceptable. C'est la chose la plus humiliante que j'ai faite de ma vie. J'essaie de faire mon matériel, puis on me lance de la nourriture. Mais attends, alors vraiment, moi, je me pose la question. Parce que là, il y a deux solutions. Soit c'était un manque de respect total, soit ils aimaient tellement la nourriture qu'ils disaient « Tiens, goûte !» J'aurais bien aimé ça. Toi, tu penses que c'était plutôt la première? D'après moi, là, vite demain, je dirais que c'était un manque de respect le plus total. Donc, c'est la première fois... Première fois de ma vie que j'ai pas fait mon temps au complet, que j'ai fait « OK, non, ça, c'est inacceptable. Je quitte. » Bon. Donc, j'ai déposé le micro, j'ai quitté. Et là, en sortant, mon gérant, il me dit hey, « ouais, c'était difficile quand même, mais ça serait important mm-hmm. d'aller remercier les responsables. » Puis tout ça, c'est la première fois de ma vie. J'ai crié après mon gérant, puis j'ai dit « On quitte immédiatement. Va chercher le chèque. Je reste pas une seconde de plus ici. Je veux pas rencontrer ces gens-là qui, d'ailleurs, étaient tous... complètement sous, là, les responsables. Il n'y a personne de responsable là-dedans, on s'entend, de toute manière. Donc, je ne vais pas rencontrer des gens responsables, il n'y en a pas. Donc, c'est ça, j'ai quitté. D'accord. Ça a été... C'est dur. Ouais, c'était humiliant, c'était difficile, mais c'est le pire, là. Mm-hmm. le plus drôle, je pense, dans tout ça, c'est que on n'a eu aucun mauvais commentaire. Je pense que les gens ont appelé le lendemain mon gérant. Hey, excellent spectacle, ça a super bien été. Merci beaucoup. On était payés. Eux autres ils étaient très contents de tout ça. Je pense qu'ils se sont payés un humoriste pour l'humilier. Peut-être, c'était peut-être ça leur idée d'un spectacle corporatif. Ce qui est ça, à quelque part, un spectacle corporatif, dans le fond. Ouais. Est-ce que dans l'affiche, il y avait marqué le mot roast? Ouais, c'est ça, c'est le public qui me roastait finalement, mais c'est juste moi qui le savais pas, ça, apparemment. Ben en fait, quand ils ont marqué surprise, c'était une surprise pour toi. Exactement. Oh, c'est quand même... oh, mais quand même, c'est incroyable. Et alors, la question que je me posais, mais du coup, j'ai l'impression qu'ils n'ont rien dit, c'est est-ce qu'on ne t'a pas reproché de ne pas avoir fini ton temps quand même? Ben, c'est ça qui est l'avantage aussi des gens qui sont beaucoup avancés au niveau de l'alcool, c'est qu'ils perdent la notion du temps. Hein. D'ailleurs, c'est une faille à exploiter pour les gens qui écoutent, les humoristes qui écoutent. Si les gens sont avancés en boisson, occupe-toi pas de ton temps parce que c'est pas grave. Ah ben, c'est une très très bonne idée. Écoute, merci beaucoup. Je compatis vraiment, ça a dû être atroce. Et j'avoue que le coup de la nourriture, non, je ne l'ai pas encore eu. J'ai eu beaucoup de trucs très compliqués, mais le coup de la nourriture, non. Moi, peut-être que les gens me regardent et se disent, t'inquiète pas, il a bien assez mangé, c'est pas la peine de lui en rajouter. C'est peut-être ça, je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour ces, pour ces belles anecdotes. Plaisir de revivre ça avec toi. Ah ben écoute, plaisir partagé. Vraiment, les écouter, c'était un régal. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Ah, je suis sur Facebook, je suis sur Twitter, je suis sur Instagram. Oui. Sur un site internet aussi, mais bon, il n'y a rien dessus en ce moment. Puis, il n'y a rien d'accord. dessus pour un bon moment. Et tu as une chaîne YouTube, peut-être? Oui, j'ai une chaîne YouTube, d'ailleurs. Ouais, j'ai un podcast, moi aussi. Ça s'appelle tout simplement Wagner. Je reçois toutes sortes d'invités. C'est pas nécessairement des humoristes. Là. D'accord. Ça va okay. d'artistes à intellectuels, à historiens, mm-hmm. anthropologues, de toutes sortes de gens qui m'intéressent. Oui, organisateurs de foires agricoles, etc. etc. Ouais, je les ai pas reçus, eux autres, encore. C'est sur ma liste. En tout cas, merci beaucoup. On ira voir ça avec grand plaisir. Pour ma part, vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. Sofiane Etaï, E de TAI. Sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.